Et donc, bienvenue à tous pour encore une fois un nouveau podcast featuring, cette fois avec une nouvelle team plutôt éloignée de la coervention pour une fois. Et aujourd'hui, dans un donc, nouveau podcast featuring, on va aborder un sujet un petit peu particulier que sont les univers de jeu. Donc, les univers de jeu ont toujours pris et prennent encore une grande place dans nos activités de jeu. Parfois vu comme le symbole de base de jeu plutôt inaccessible, parfois au contraire vu comme une porte étrange et fascinante vers des ambiances singulières, les univers restent un élément incontournable de discussion. On pourrait dire que l'approche système Dozmatter lui a souvent tourné le dos, prétextant que ces univers souvent trop vastes et peu clairs dans leur problématique rendaient les propositions ludiques des jeux à univers trop brouillonnes. Pourtant, les jeux à univers à forte pagination, difficiles d'accès pour le novice et parfois à mi-chemin entre artbook, sagas littéraires et jeux sont encore massivement joués. De là à dire que ces jeux sont aussi porteurs d'un gameplay qui a su se faire apprécier et sûrement quelque part convaincre, il n'y a qu'un pas. Peut-être que quelque part, les univers sont plus porteurs de règles que ce que l'on peut croire. Peut-être que le gameplay de ces jeux-là est bien là, juste devant nos yeux. Bien que caché à l'abri d'arrière, peut-être, mais accessible aux observatrices averties. Et pour en parler, donc j'ai eu la j'ai la joie et le plaisir de pouvoir réunir plusieurs personnes qui, chacun et chacune, à leur manière, ont quelque chose à dire sur ces univers si denses et si fascinants. J'ai donc le plaisir d'accueillir déjà en premier lieu Stéphane. Bonjour Stéphane. Salut, bonsoir. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et peut-être dire à nos auditeurs ben, pourquoi tu as accepté cette invitation à ce podcast et qu'est-ce qui t'avait intéressé dans le sujet rapidement? Alors bon, ben j'ai plusieurs pseudos. J'ai Magister Fantôme. Je m'occupe d'une chaîne sur YouTube où je présente en fait des let's play de jeux de rôle en virtuel. Et j'ai un deuxième pseudo qui s'appelle Alieu Safar, où là je suis je l'utilise en fait plus pour les forums et je fais partie en fait d'une communauté qui s'appelle JDR Virtuel. Donc c'est du JDR en virtuel avec des outils comme Fantasy Grounds ou Roll20 et je suis modérateur de la section vidéo, streaming et tutti quanti. Voilà, et j'ai 41, 46 ans, pardon, et j'ai commencé le JDR. Je devais avoir 11-12 ans par l'œil noir, les boîtes de Donjons et Dragons, etc. Et ça fait à peu près 30 ans que je fais du JDR. Voilà. Et je vais vous parler ce soir d'un univers qui me tient à cœur. Je l'ai masterisé pendant 3-4 ans à peu près. Ça, c'est l'univers de Prophétie. Voilà. Très bien. Est-ce que tu pourrais juste préciser à nos auditeurs et auditrices quel pronom tu utilises et la manière dont tu te genres Bah, c'est Stéphane, tout simplement. Voilà. Tu utilises il et masculin, c'est ça? Oui. Très bien. Bah, je te remercie pour ta réponse. Très bien. Bah, on va passer à la personne suivante, parce que j'ai réuni un certain nombre de personnes. Le podcast promet d'être dense. J'ai aussi également le plaisir d'accueillir Julien. Bonsoir. Bonsoir Julien, donc j'ai un petit peu la même question, si tu pouvais te présenter de manière succincte et nous dire ben voilà, de quoi tu es venu parler ce soir. Ben en fait, moi c'est Julien, c'est il et c'est au masculin, je me genre au masculin. Et ce sera, tu m'as demandé d'intervenir pour parler de Terre suspendue, qui est un jeu sur lequel j'ai comment beaucoup écrit et sur lequel j'ai mis pas mal de tripes. Très bien, bah, je suis impatient d'entendre ça. J'ai moi-même l'occasion de faire une partie test qui n'était pas forcément très engageante au début, mais qui m'a beaucoup, beaucoup mis en appétit. Comme quoi, faut jamais hésiter à tenter des choses un peu alternatives. J'ai également avec moi Antoine. Oui, bonsoir. Donc, bah, même question que pour les personnes précédentes. Alors, c'est Antoine, j'utilise plutôt le masculin et donc il. Je suis ici pour vous parler de Gloranta, sur lequel je suis meneur de jeu depuis en tout cas 15 ans et joueur aussi. Je pense que ça suffira pour me présenter rapidement pour le moment dans ce cadre-là. Et si je suis là, en fait, c'est parce que dans Moklo, avec qui j'ai eu pas mal la chance de communiquer, m'a proposé pour participer à cette discussion. Comme le sujet m'intéresse, ben je pense que c'est un bon point de départ. Voilà. Oui, j'ai déjà eu quelques discussions en off avec toi. Je pense augure plein de choses très intéressantes. La question du récit, effectivement, ça m'intéresse et du coup, je pense qu'il y a des choses à dire ce soir. Ouais, y aura plein de name dropping en perspective, je pense. Et donc, puisqu'on l'a déjà à peu près à moitié introduit, nous avons également le plaisir d'accueillir Moklo. Bienvenue, Moklo. Bonsoir. Bonsoir, Moklo. Donc, de la même manière, est-ce que tu peux te présenter, te dire bah, que toi, de quoi tu as parlé ce soir? Je peux le faire. Tu peux le faire. Donc moi c'est Moklo, j'ai connu Antoine il y a un certain temps sur les forums de l'éditeur Edge parce que nous parlions beaucoup du jeu de rôle Anima et c'est de ça que je viens vous parler ce soir parce que j'aime beaucoup ce jeu, j'y joue un peu moins parce que j'ai mis un pied dans des choses plus narratives, du coup j'espère avoir un petit peu les deux regards sur la question. Et j'ai travaillé en tant que relecteur sur un certain nombre des livres en version française de ce jeu. Et voilà, ce qui me donne une connaissance assez profonde des enjeux de cet univers. Ouais, bah, je pense que tu auras plein de choses à nous raconter sur le sujet. Donc, je vous propose de commencer sans plus attendre, mais juste une petite chose avant de commencer. Je voulais introduire le podcast par une citation qui sera susceptible de nous faire réfléchir ou pas. Enfin, j'espère qu'elle sera susceptible de peut-être nous permettre d'entamer le sujet. C'est une citation d'Anne Hutchinson, qui est donc connue pour sa position rebelle face à une église assez plutôt traditionnelle, même très traditionnelle. Et sa volonté de pouvoir légitimer des lectures plus personnelles des textes bibliques. Et elle dit la chose suivante, elle dit, tel que je le comprends, les lois, les commandements, les règles et les décrets sont pour celles qui n'ont pas la lumière pour rendre la voie plus claire. Donc c'est une citation qui date du XVIIe siècle, où je pense qu'on n'utilisait pas forcément de vocabulaire inclusif, hein, mais je me suis permis une petite liberté. Et donc, désormais, sans plus attendre, je voulais évoquer donc la première grosse partie du podcast, qui est le paradigme du personnage, et notamment la place du personnage dans l'univers, quel est son impact, et à quel point ça va influer sur l'histoire que l'on raconte. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui se sent éventuellement de commencer, qui pourrait éventuellement poser peut-être des personnages emblématiques dans vos univers favoris? Bah, si tu veux, je vais un peu lâcher un mot. Pour moi, c'est vrai que la place du personnage dans l'univers, c'est plus. Enfin, je vais définir deux de tes termes, parce que j'aime pas personnage, j'aime pas univers. Je vais plutôt prendre la place du héros dans le cadre. Donc pour moi, c'est clair que quand je parle de héros, on est là en tant que personnage principal dans le récit, enfin, dans la partie. Moi, Et ce... l'univers autour sert de décor. D'accord. Moi, ce qui m'avait intéressé, en fait, c'est à quel point, en fait, un héros, si tu veux, prenons la posture du héros, mais à quel point le héros avait une position particulière dans les récits que tu proposais. Parce que souvent, même si ce n'est pas directement proposé par le jeu, l'univers semblait porteur de pas mal de choix éthiques et de choix moraux, et que t'invitais quelque part le personnage à se positionner face à ça, même si c'était pas la proposition de base, enfin de ce que j'avais compris en tout cas. Ben, je sais pas si j'invite le héros à se positionner ou le joueur enfin, à se positionner. Donc, je pourrais pas te répondre vraiment en fait. Évidemment, c'est des choses qui me travaillent en fait, le positionnement enfin, éthique. Et puis en plus, le fait que ben, dans le jeu de rôle, tu peux prendre aussi des positions qui sont pas forcément les tiennes par l'intermédiaire de ton héros. Par exemple, je sais que dans les Terres suspendues, tu avais une race de chats, je crois, enfin une race anthropomorphique de chats, ouais, qui t'a invité à... Et en fait, il y avait une espèce de structure sociale qui faisait qu'il y avait quasiment que des femelles, car elles étaient dédiées à de la prostitution. C'était ça l'idée? En fait, dans les terres suspendues, les félins, c'est ce qui correspond un peu à notre mafia chez nous. Et il y a, oui, strictement un contrôle de la population fait par les félins. C'est-à-dire qu'à la tête, on a les tigres qui sont essentiellement mâles. Et tout en bas de la pyramide, on a des chattes qui sont essentiellement femelles. Et c'est maintenu par une sélection on va dire, comment dire, on tue les mâles ou les femelles surnuméraires. C'est ça. Il y a l'air d'avoir une structure dans le jeu qui est pas mal pensée par rapport aux problématiques de race. Je ne sais pas si tu utilises le terme de race ou si tu en utilises un autre. Je préfère le terme espèce, en fait, parce que évidemment, je ne te cache pas que c'est une façon de réfléchir au racisme, mais de manière indirecte, parce que je trouve que c'est plus facile de parler de problématiques de blancs, d'asiates ou de noirs, si on ne parle pas de blancs, d'asiates ou de noirs, si on parle plutôt de félins, de renards, d'elfes ou de nains. Ok. Et pour toi, donc, est-ce que le personnage de quelle manière le personnage, en fait, est amené à rebondir par rapport à cette géographie des espèces, en fait, en quelque part. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est très important dans l'univers? Ben, je pense que, enfin, dans la mesure où le jeu te propose de jouer des enquêteurs un peu spéciaux qui interviennent sur des enquêtes, des enquêtes un peu délicates, c'est vrai que ça t'oblige en tant que héros et en tant que joueur à te positionner, en fait, à prendre un positionnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de solution. Tu sais, j'ai des scénarios un peu en arène, en fait, un peu ouverts, qui font que la fin dépend du choix des héros. Quand tu proposes, par exemple, dans ta création de personnage ou dans la création d'un groupe, pour toi, est-ce que, par exemple, le choix des races est important? Est-ce que ça va beaucoup impacter sur ce qu'on va jouer en termes de héros? Et est-ce que tu saurais dire vaguement pourquoi c'est important? À quel point ça va avoir de l'impact, en fait? L'univers lui-même, le cadre dans lequel tu joues est assez raciste, et donc ça va avoir des répercussions sur les personnages. Donc les elfes étant la race principale et la race dominante, c'est bien qu'il y ait un elfe autour de la table, mais c'est bien aussi qu'il y ait d'autres espèces pour que ils mesurent la distance ou le décalage de l'univers autour. Et donc, moi, ça m'amène à me poser la question assez directement. Est-ce que les espèces, les races, enfin, peu importe comment on les appelle, mais enfin, on va dire une manière vraiment de catégoriser les populations dans un univers, est-ce que pour vous autres, est-ce que c'est très important dans l'univers que vous avez en tête et que vous voulez présenter ce soir? Alors, moi, ça va être tout le contraire, puisque dans Prophétie, en fait, tu joues des humains. Et donc, il n'y a qu'une seule race. Donc il n'y a pas d'espèce, il n'y a qu'une seule race. Donc le problème ne se pose pas pour ce jeu. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Prophétie, mais Prophétie c'est un jeu basé avec des dragons. En fait, le monde dans lequel les personnages ont évolué, le royaume de Kor, est en fait le corps d'un dragon monumental qui s'est écrasé, en fait, qui a constitué, en fait, on va dire la planète, en gros, quoi, tellement qu'il est énorme. Et de ce dragon primordial, en fait, est issu d'autres dragons. Et donc les joueurs vont jouer donc des humains qui vont être issus de castes, parce qu'il y a pas mal de castes, en fait. On va avoir des castes par exemple des combattants qui sont toujours affiliés à un dragon en particulier. Donc la caste des combattants sera affiliée à un dragon, la caste des voyageurs à un autre dragon, etc., etc. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que pour ta question, en fait, dans Prophétie, le problème d'espèce ne se pose pas, parce qu'on va avoir les humains, et de l'autre côté, des dragons, et puis des engeances de issues de dragons, qui donnent des humanoïdes avec une tête de dragon, un peu des drakéides, en fait, quoi. Mais du coup, il y a quand même un découpage entre... Il y a quand même des catégories qui se créent dans ton jeu, avec cette idée de faction, apparemment. Est-ce que pour toi, c'est vraiment des catégories qui peut-être s'opposent ou... Alors, oui, j'entends, ouais, peut-être. Alors, elles vont pas s'opposer, parce qu'en fait, dans le principe, en fait, dans Prophétie, c'est que tout est géré par rapport à des tendances. C'est pour ça que j'adore ce jeu, c'est que on va avoir trois tendances qui vont immerger en fait sur ta fiche de personnage. Et le joueur, lorsqu'il va créer son personnage, il va déterminer quelle tendance il va infléchir, en fait. Et donc du coup, on a trois tendances. On a celle des humanistes, toujours en rapport avec les dragons, effectivement. On va avoir les fatalistes. Donc, les fatalistes, en fait, se rapprochent d'un dragon plutôt ombre qui s'appelle Kalimshar. Et puis, on va avoir les pro-dragons. Et ils sont. C'est des humains, en fait, qui sont d'accord avec les dragons, qui, même si les règles sont foireuses, ils sont toujours d'accord, etc. C'est un petit peu les extrémistes, en fait, les personnes qui utilisent, enfin, qui jouent des humains issus d'une tendance draconique très forte. J'ai quand même le sentiment que ça soit. Que ce soit avec ces dynamiques d'espèces, ou toi, où tu es une espèce de. Dépeindre des espèces de, je sais pas, de castes ou de micro-organisations, à chaque fois, on est quand même vachement amené à réfléchir à des visions du monde qui s'opposent et des visions de les poser. Et j'ai le sentiment que ça impacte beaucoup sur ce qu'on va jouer. Est-ce que c'est le cas pour toi? Alors, pour Prophétie, oui, puisque dans un groupe de joueurs, tu peux très bien avoir quelqu'un qui est pro-dragon, un humaniste et un fataliste. Et du coup, ça peut poser effectivement socialement des petits soucis. Et donc, des fois, ça peut amener effectivement à des conflits entre joueurs, etc., sans faire de PVP, évidemment. Mais on peut poser des questions sur le social, avec les interactions sociales entre les joueurs et avec effectivement les villes dans lesquelles ils vont évoluer, par exemple, des villes qui sont pro-dragon ou plutôt humanistes, etc. Donc, la problématique dans les scénarios est souvent porteur de conflits, en fait. Et c'est assez sympa. De conflits entre joueurs, entre personnages, les deux? Alors, ça peut être les deux. Et ça peut être aussi des interactions sociales avec les PNJ qu'ils vont rencontrer et qui vont leur poser des soucis. Ou ça dépend des scénarios, effectivement. Mais les interactions sociales sont quand même assez importantes dans Prophétie. Antoine, Vincent, vous, c'est quelque chose qui vous inspire dans les univers que vous pensez, cet aspect de peut-être de hiérarchie, d'opposition, de clan, de groupe idéologique quelque part. Alors pour Glorantha, je dirais c'est un petit peu particulier déjà parce que en fait la notion de race, on en a une quantité absolument infinie, mais plus fondamentalement encore, le jeu se développe sur deux axes. Un, je dirais que c'est l'axe culturel et l'autre, c'est l'axe mythologique. Donc, si je dis qu'on a des races vraiment infinies, c'est que ça va des trolls aux elfes, aux nains classiques, en passant par des espèces de roues ailées conscientes, des hommes canards, différents types de centaures, évidemment aussi des humains. Je note juste en passant que ces humains ne ressemblent pas au type ratio, enfin, pardon, au type ethnique qu'on peut avoir dans notre monde. C'est-à-dire que, par exemple, on a des gens qui sont roux mais qui ont la peau noire, on a des gens qui sont bleus, et on ne va pas trouver d'humains exactement blonds aux yeux bleus ou bien foncés avec les cheveux crépus. C'est encore des choses qui sont légèrement décalées. C'est ça aussi qui rend le jeu intéressant. Maintenant, si je disais que le jeu se pose surtout en rapport au mythe et à la culture, c'est qu'il faut comprendre que dans Glorantha, le mythe fonctionne réellement comme l'énergie du monde, comme si le mythe fondait une sorte d'écosystème. Et à partir de là, chaque culture va être différenciée, chaque culture va être spécifiée à partir de quelques grandes philosophies, le monothéisme, le polythéisme, l'animisme, le mysticisme, etc. Et ça marche autant, si j'ose dire, pour les races que pour chacune de ces cultures. C'est-à-dire que chaque race va avoir son propre cycle de mythe, chaque culture va avoir son propre cycle de mythe, va avoir sa propre identité, ses propres coutumes. Et dans un certain sens, cette forme d'opposition est vraiment une des dynamiques fondamentales du jeu. Mais en même temps, ce n'est pas des découpages qui sont absolus. Par exemple, dans une des nations du monde, qui est une nation principalement humaine, le dieu principal est un troll. Et dans un sens, il y a un rapport dans Glorantha, c'est ça qui fait son énorme complexité, si j'ose dire, entre cette énorme explosion de différentes cultures et la possibilité donc de voir le monde sous différents angles, sous différentes formes. Et pour toi, est-ce que l'intérêt est plus dans cette opposition? Est-ce que l'intérêt est plus dans l'esthétique? T'as pas forcément de moyen de trancher par rapport à ça? Ça dépend aussi comment on joue le jeu. Je dirais qu'un des intérêts du jeu, c'est vraiment de se plonger dans une de ces cultures particulières. Qui va vraiment définir le regard qu'on peut porter sur le monde. Il faut bien comprendre que Glorantha est un monde multiple. Et à partir de là, une fois qu'on est plongé dans ce regard particulier, Alors, effectivement, on peut jouer sur les différences entre les cultures, on peut jouer sur une opposition très très ferme, on peut jouer aussi très profondément sur les rôles sociaux de chacune de ces cultures. Glorantha est un très vieux jeu, du coup, ils sont très très bien déterminés. Et pour moi, c'est fondamentalement ça qui fait l'intérêt particulier de ce jeu, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'inscrire le personnage par rapport aux autres et par rapport à soi, par rapport au monde du mythe et par rapport à sa propre culture, qui rend particulièrement fin l'exploration de ce type de rapport, de ce type de dynamique. On aura l'occasion d'y revenir, je pense. Oui. Toi, Moklo, sur Anima, est-ce que pour toi, il y a des thématiques proches? Est-ce que tu arriverais à définir des catégories de population comme ça dans le jeu? Absolument. Déjà parce que la base du jeu, qui n'est pas extrêmement claire, mais qui l'est quand même d'une certaine façon, c'est que dans la façon dont l'univers est décrit, on parle d'une majorité ignorante et faible, globalement, que la plupart du temps, on n'interprète pas. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 95% de la population du monde qui déjà est peuplée uniquement d'humains, mais qui surtout ne se rend absolument pas compte de ce qui se passe réellement dans le monde. Et donc, la plupart du temps, à moins de vraiment choisir de jouer avec des options très basses et de jouer la découverte absolue depuis rien du tout, où on part vraiment d'un niveau zéro de la connaissance des secrets du jeu et qu'on va vraiment très très très doucement, la plupart du temps, on joue des personnages qui sont en marge de 95% de la population parce qu'eux-mêmes connaissent au moins une partie des secrets qui se trament derrière tout ça, une partie des choses qui sont cachées au reste du monde. Du coup, il y a déjà un rapport de base par rapport au personnage qu'on incarne, par rapport au reste du monde qui est assez distancié, même si on peut avoir des attaches très très fortes dans des cultures qui sont pas aussi détaillées que dans d'autres jeux, mais qui ont quand même des identités assez fortes et des positionnements assez forts les uns par rapport aux autres. À l'instant zéro de la timeline où on est censé plus ou moins commencer les parties, il y a une géopolitique extrêmement tendue avec plusieurs guerres de religion, plusieurs guerres de religion, des blocs étatiques qui se font face, qui sont en guerre plus ou moins froide, et du coup les positionnements d'où on vient, où on va, sa couleur de peau, son ethnie, sa culture de base, influent beaucoup sur les rapports aux autres. En plus de ce grand décalage de jouer des marginaux. Ouais, je vois, c'est intéressant. Bah, tu parles de jouer des marginaux. Julien, tout à l'heure, parlait plutôt de jouer des héros. Alors, on peut dire que de toute façon, on joue toujours le héros de sa propre histoire. Sinon, c'est... Héros juste en tant que personnage principal, hein. Pas du tout avec la vision héroïque du héros. D'accord. Bah, justement, la question que je voulais me poser, c'est quel est l'impact? Alors, c'est peut-être pas forcément... Ça peut dépendre de la manière dont on envisage le jeu, mais pour vous, globalement, enfin, je sais pas si vous pouvez dresser un état des lieux de cet aspect du jeu, mais pour vous, quelles sont la place des personnages principaux dans l'histoire et à quel point les joueuses vont pouvoir influer sur cette histoire et vont pouvoir apporter des choses et apporter quelque chose à la structure du récit, si je peux dire. Pour vous, est-ce que vous avez une idée de l'impact de ces personnages-là dans le jeu? Alors, dans Anima, c'est assez précisément quantifié, même mathématiquement quantifié, parce qu'il y a un score qui s'appelle la gnose ou la gnose, enfin bref, chacun prononce comme il veut, qui représente précisément l'importance dans l'histoire du monde et le potentiel de changer l'histoire du monde. Et il y a des conseils très clairs sur ce qu'on devrait jouer, selon certaines options de jeu qui peuvent varier, mais globalement, il y a une fourchette d'importance dans l'histoire du monde et d'impact sur l'univers qui est défini précisément. Alors là, on parle de règles d'univers, de narration normalement, mais il se trouve que dans Animal, là, elles sont littéralement marquées. Tu veux dire qu'en fonction de ce que tu veux jouer, tu vas déterminer, je sais pas, en début de campagne, par exemple, le taux d'impact que peuvent avoir les personnages. Oui, il y a explicitement un chapitre, alors il y a une partie la partie réservée aux meneurs de jeu qui explicite le type d'aventure qu'on va pouvoir jouer, et en, notamment par là, le niveau de surnaturel, le niveau de connaissance des secrets qu'on a l'intention d'aborder au cours du scénario. Le monde étant tellement constitué de couches successives de puissance et de secrets qu'on peut se positionner de diverses façons là-dedans. Et en extrapolation de ça, il y a ces scores qui effectivement sont prévus de déterminer dès le départ, qui sont conseillés de répartir entre plus intéressants que la majorité silencieuse de la population et juste moins intéressants que les personnages les plus importants dans les PNJ cruciaux de l'univers. Voilà, il y a un score qui est supposé ne pas dépasser, et globalement on ne dépasse pas les PNJ, et notamment un PNJ le plus emblématique qui est sur la couverture du Livre du Monde, qui est l'impératrice, et qui globalement est supposé avoir quasiment le destin de l'univers entre ses mains. Mais voilà, c'est marqué assez explicitement, même si on peut en faire ce qu'on veut derrière. Ouais, bien sûr. Toi, Julien, quand tu parlais de cadre, pour toi, les héros, justement, ils ont quel type d'impact, et peut-être quel degré d'impact sur ce cadre? Ben moi, ce que j'ai voulu volontairement, c'est que, comme la mesure où les héros travaillent pour une milice privée, mais qui est la milice officielle, en fait, ils sont dans une ville, hein, tu joues uniquement dans une ville, et ben, le but, c'est d'empêcher les scandales, globalement. Donc, l'idée, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux. L'important, c'est que ça soit le moins visible possible, qui est, disons que tu gères aussi les conséquences de tes actions. Donc, c'est ça que j'ai voulu. C'est-à-dire, ton impact sur l'univers peut être important, mais en même temps, il doit être le moins visible possible. Parce que tu es là pour rassurer la population. Tu fais partie des gens qui incarnent la loi et l'ordre. Donc, tout doit bien se passer pour eux. Donc, quelque part, on dit souvent que les jeux univers sont très libres et qu'on peut faire tout à n'importe quoi. Alors, je ne sais pas forcément si c'est vrai, je m'en fais un peu l'avocat du diable à ce niveau-là, mais dans les terres suspendues, apparemment, quand même, ce qu'on doit jouer, comment on doit le jouer, et au final, assez cadré, quoi. Oui, bah, en fait, au fur et à mesure des différentes éditions, j'ai voulu remettre de l'enjeu, en fait. C'est-à-dire, j'ai voulu mettre du... En fait, tu as deux façons un peu de conduire des parties. Enfin, je n'aime pas schématiser, mais tu as deux façons de conduire des parties. Les héros vont à l'aventure. Il leur arrive des trucs au fur et à mesure et de leur pérégrination. Soit les héros sont dans un lieu, quelque part. Donc, s'ils sont dans un lieu, s'ils sont enfermés dans un lieu, plus ou moins volontairement, hein, dans le cadre d'une ville, tu restes, tu habites une ville, hein, il faut qu'il y ait du conflit. Il faut que le conflit vienne à eux. Et le conflit, classiquement, c'est ce que tu vas retrouver dans beaucoup de jeux de rôle, et ben le conflit, ça vient de l'existence de différentes factions. C'est ce que tu vas retrouver à Vampire, c'est ce que tu vas retrouver à plein de choses. À partir du moment où tu es dans un monde clos, il faut que le conflit soit là, et que tu sois au cœur du conflit, parce que ça t'oblige à prendre parti. Tu peux pas dire, je claque la porte, je m'en vais, et puis finalement, je vis des aventures ailleurs. Est-ce que quelque part, dans les terres suspendues, bon, ça serait une question que je vous pose aussi à tous, de toute façon. Mais est-ce que quelque part dans les terres suspendues, on peut être l'acteur de ce conflit? Est-ce qu'on peut aller le chercher? Oui, en fait, la partie dans laquelle je l'oriente maintenant commence par un briefing et un débriefing, toujours avec ton chef. En fait, tu as ton chef qui te fait un briefing au départ, assez large. Tu as plus ou moins carte blanche. Et à la fin, il y a un débriefing avec ton chef. Et en fait... C'est vrai qu'entre les deux, en fait, il y a une tension qui fait que t'es plus ou moins libre de tes choix, en fait. À partir du moment, je te dis, où tu crées pas de scandale, où tes actions n'ont pas d'implication visible, je dis bien visible, donc ça peut être un peu n'importe quoi, parce que tu peux faire du lobbying à fond, mais c'est clair que tu peux aller chercher le conflit avec des gens qui n'ont pas forcément... Et vu qu'on aborde la règle d'univers, enfin moi, ce qui m'intéresse vachement, c'est ben justement quand on commence à être un peu moins discret et qu'on commence à faire un peu moins les choses dans le feutré, est-ce que l'univers, quelque part, nous punit? Est-ce qu'il nous sanctionne? Moi, je dirais oui, puisque tu as un briefing avec ton chef et tu as un débriefing avec ton chef au départ. Donc, ça cadre en fait la partie. C'est-à-dire la partie s'arrête quand les héros sont prêts à aller voir leur chef pour débriefer. Sachant que, en plus, comme ils incarnent une milice officielle, ils sont filmés en permanence. Plus ou moins en permanence. Donc tout ce qu'ils font est enregistré. Donc en l'occurrence, on pourrait dire, enfin je me permets d'interpréter un peu ce que tu dis, mais que, en tout cas dans ton jeu, la manière de poser de la règle via l'univers, c'est peut-être la figure du personnage emblématique. Quoi. Ouais, là, c'est un personnage récurrent qui va symboliser un certain nombre de choses. Il y a un peu un Big Brother is watching you, en fait. Tu fais ce que tu veux, mais on t'observe. Antoine, est-ce que tu auras un point de vue sur ce sujet qu'on a déjà bien débroussaillé, mais justement, l'impact sur l'histoire? Moi, j'ai envie de dire que dans Glorantha, on a un parti pris un petit peu différent parce qu'on n'est pas dans un jeu à situation où on incarne des agents ou bien justement des, on va dire, des marginaux comme dans Anima. Puisqu'en fait, tout est, je dirais pas tout, mais le monde mythique encadre énormément les possibilités des joueurs. Il faut peut-être juste que j'explique un tout petit peu ça pour bien comprendre la manière dont ils vont être ensuite imbriqués dans l'univers et dont en fait les joueurs vont pouvoir prendre une quantité de possibilités, une quantité d'options pour pouvoir vraiment devenir des vecteurs de récit, mais toujours par rapport à cet arrière-plan qui finalement donne une énorme profondeur à Glorantha et qui permet une exploration. Quand je dis ça, c'est qu'en fait, il existe un monde du mythe qui a précédé le monde du temps et qui a failli être détruit donc par le chaos, ce qui a fait que toutes les forces cosmiques des mortels odieux se sont réunies et ont ensemble, si on veut, créé le temps qui permet d'équilibrer le changement et la stabilité. C'est important parce que le monde du mythe continue à exister, y compris dans le temps, y compris dans l'âge des mortels, qui est au fond le moment qu'exploreront les joueurs. Mais pour que ce monde du mythe continue de fonctionner, les joueurs, mais à peu près tous les personnages de ce monde, vont continuellement rejouer des formes de cérémonie qui leur permettent de rentrer dans le monde du mythe. Pour dire simplement, si on veut que les récoltes se passent l'année suivante, il faudra monter dans le monde du mythe, réaliser le rite avec, je ne sais pas, la déesse de la fertilité ou celle de la terre. Et d'une certaine façon, tous les aspects de la culture des personnages, les rôles qu'ils peuvent prendre et incarner dans la société dépendent directement de ce type de mythe, de même façon que les récoltes, que la forme du monde, que le lever du soleil. Donc en fait, il y a une sorte de rapport constant entre ces récits des origines et puis les joueurs, les personnages qui vont être incarnés dans le récit. C'est intéressant aussi parce que d'une certaine façon, on parlait de héros tout à l'heure, le personnage, en tant que vecteur du récit, va aussi incarner la liberté narrative, c'est-à-dire la possibilité de se déplacer sur ce canevas du mythe. Il va agir dans le temps et du coup, d'une certaine façon, il va avoir la possibilité d'impacter sur l'histoire. Enfin, tout se passe comme si, je vais peut-être terminer par là, il y avait une sorte d'enchâssement entre la manière dont était construit l'univers de Glorantha, entre ces récits fondateurs qui organisent le monde et ces personnages qui agissent dans le monde, et la manière dont on fabriquait un jeu de rôle avec, si on veut, cette espèce de récit commun qu'on a ensemble, et puis qu'on va ensuite animer à travers les joueurs, enfin, entre les joueurs. Est-ce que pour toi, les personnages de Glorantha sont profondément des personnages mythologiques? Est-ce que ça te parle quand je te dis ça? Alors, j'ai envie de dire les personnages de Glorantha ont la possibilité de devenir mythologiques. Ils sont d'abord, si on veut, si je prends un joueur moyen, ils sont d'abord inscrits dans une mythologie, dans une culture qui va spécifier leur histoire. Enfin, pour le groupe que j'ai en ce moment, on est à l'échelle du clan, c'est-à-dire de quelques centaines de personnes, et on a raconté leur histoire et leur récit depuis la création du monde. Quand les joueurs commencent, ils sont initiés à cet univers. Ils appartiennent à cet univers de Dieu. Et à l'inverse de certains jeux, on va dire à conspiration, dans lesquels il y a des secrets à découvrir, on part du principe là que les joueurs connaissent ces secrets. Par contre, toute l'idée, ça va être de les explorer. Et en les explorant, en agissant petit à petit, ils vont, si on veut, se confronter à des réalités du mythe, des choses comme le pouvoir, des choses comme l'identité, des choses comme l'altérité, qui sont finalement des nœuds du récit à peu près normaux. Mais ils vont avoir tout un vocabulaire mythologique qui va leur permettre, si on veut, de l'exprimer, de l'interpréter, et petit à petit de s'apercevoir comment leur personnage peut s'inscrire dans cette mythologie. Alors c'est vrai que Glorantha est assez épique, qui permet d'arriver sur ces thèmes mythologiques, mais fondamentalement surtout parce qu'il permet de mettre en scène des enjeux importants du récit. Ouais, je disais surtout ça en fait parce que C'est pas si fréquent que ça d'avoir des personnages aussi ancrés dans le passé. Je trouvais ça très mythologique. Mais est-ce que, enfin, j'ai l'impression que quand tu décris le jeu, tu veux dire qu'en fait que ce sont les joueuses, ce sont les participantes de la partie qui décident des directions à arpenter et Alors, vers quel aspect du monde se tourner. Est-ce que c'est forcément vrai ou pas? oui, si ils arrivent d'abord à comprendre leur culture. C'est-à-dire que si je prends une culture comme les Orlantis, des espèces de barbares un peu celto-vikings, on a une base culturelle, par exemple, sur les rôles sociaux des hommes et des femmes. Et puis, à partir de là, on a aussi des possibilités de s'en écarter. Donc, les joueurs ont une certaine liberté. En construisant leur propre clan, ils vont pouvoir choisir une partie du récit, mais évidemment que ce récit offre un cadre. Et un cadre qui est effectivement plus profond que dans d'autres jeux. J'ai envie de dire que la finesse aussi de Greg Stafford, donc l'auteur du jeu, ça a été de réinterpréter des mythologies très anciennes et de justement réussir à redonner le sens de leur plasticité, le sens de leur malléabilité, la manière dont finalement elles permettent d'accompagner des expériences. Et c'est vrai que dans ce sens-là, Glorantha est un jeu très particulier. Alors, je ne dis pas que tous les joueurs vont commencer avec cette connaissance intime du mythe, mais quelque part, plus ils ont une connaissance intime du mythe, plus ils s'aperçoivent de leurs possibilités par rapport à l'univers, par rapport au récit que propose l'univers, et par rapport à la possibilité de raconter à l'intérieur de la partie. Est-ce que c'est clair? Ouais, très clair. Ouais, je trouve ça super intéressant. C'est qui s'est pas encore exprimé sur le sujet, l'impact des héros sur l'histoire? J'avoue, j'ai un peu perdu le fil. C'est toi, Stéphane, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas encore dit, j'ai pas encore parlé de ça en fait pour Prophétie. Donc à Prophétie, on va pas parler de héros, mais on va parler en fait on a deux types de personnages. On a les élus et les inspirés. Les élus, en fait, lorsqu'on joue les aventures et qu'on se rapproche de sa tendance, on va dire, draconique, il est possible qu'un dragon se penche sur vous, en fait. Et donc, vous accorde, en fait, sa confiance. Et vous pouvez donc être l'élu de ce dragon. Et donc, effectivement, ça apporte pas mal de choses, hein. Et le deuxième concept est le concept d'inspirer, qui est vraiment, enfin, moi j'ai trouvé ça fantastique dans Prophétie, c'est que plus les joueurs, en fait, vont jouer des aventures, plus ils vont se rapprocher, plus les personnages vont se rapprocher, vont avoir des émotions, etc. Et il va y avoir une étoile qui va se pencher sur leur destin. Et donc à partir du moment où l'étoile va se pencher sur leur destin, les joueurs vont pouvoir créer leur étoile, qui vont leur apporter en fait différents pouvoirs. Et donc ils sont amenés à créer donc cette étoile. Donc elle a des motivations, des objectifs, etc., des penchants, des vertus, etc. Et donc tout ça, c'est les joueurs qui vont le créer en fait en discutant de leur étoile, en la nommant sur une fiche de personnage bien déterminée qui s'appelle l'étoile. Voilà, donc ce sera l'étoile des inspirés en fait. Et donc il y a deux petits on va dire deux tendances comme ça. Donc il y a les inspirés et les élus. Et bon bah plus en fait on gagne des on va dire parce que c'est un jeu à XP quand même, hein, à Prophétie, plus on gagne d'XP, plus on peut mettre des XP dans son étoile, et donc on va dire déclencher les pouvoirs que l'étoile peut accorder aux joueurs. Et parmi le groupe de joueurs, si par exemple on a 5 joueurs, eh bien il y aura 3 joueurs qui s'occuperont de l'étoile. C'est-à-dire il va y avoir un archiviste, la main du destin, le troisième je ne me souviens plus, mais enfin c'est 3 personnages en fait qui vont en fait prendre en main l'étoile et qui vont accorder les pouvoirs que veut bien leur donner l'étoile. Donc j'ai trouvé ça, le concept est assez sympa en fait. J'ai l'impression que c'est l'un des codes des JDR Univers. Cette idée de symbole, de figure, d'emblème, j'ai l'impression que ça revient souvent. Ben, ça vient, enfin, le jeu il date de 1999, la première édition, et Ouais. c'est un jeu à secret en fait, hein, Prophétie. C'est-à-dire que les joueurs sont amenés à découvrir les secrets des dragons, etc., de chaque dragon. Et donc, ils sont les. Alors, il y a comment dire, un espèce de background de jeu, en fait, où ils vont interagir lors d'une guerre, en fait. Les guerres, la fameuse guerre des dragons, en fait. Et donc, ils vont impliquer dans cette guerre. Et ben, c'est pour ça que ça, effectivement, autour de la table, on peut avoir des gens de tendances différentes. Et c'est là qu'on peut avoir des interactions vraiment, vraiment sympas, quoi, pour les joueurs, quoi. Vous y avez déjà un peu répondu, mais peut-être ceux qui n'ont pas l'occasion encore de suffisamment le développer, je me permets de reposer un petit peu la question. C'est ce que vous auriez des choses à dire sur l'impact des joueuses sur l'univers en lui-même, sur ses enjeux, sur ses problématiques, sur ce qui le construit véritablement. Est-ce que pour vous, les personnages qu'on incarne ont vraiment la possibilité de changer l'univers, de le modifier, de le repenser quelque part? Ah bah dans Prophétie, complètement, oui, puisque les joueurs sont amenés à prendre des positions par rapport à leurs tendances, et donc forcément ils peuvent arriver dans une ville qui a tendance, par exemple, humaniste, et complètement faire basculer la ville dans une tendance draconique, en prêchant, etc., quoi. Donc oui, c'est oui, ils peuvent influencer sur l'univers, ça c'est clair et net. Donc Laurenta, je dirais que c'est même un des grands secrets du jeu. Vous m'entendez? Ouais, Oui. on t'entend Ouais. Oui. parfaitement. Vas-y, on Pardon, ouais, t'écoute, ça je a t'en prie. coupé. D'abord, il y a aussi une espèce de petite histoire cadre, la guerre des héros qui doit arriver depuis la première édition du jeu en 1975. Et basiquement, le fait que cette guerre des héros, dans le temps normal, est censée redéfinir complètement le monde, permet aussi aux joueurs de devenir des véritables moteurs de ce changement. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est effectivement une des possibilités. D'ailleurs, ce qui suit la guerre des héros n'a jamais été totalement révélé. Donc les joueurs ont finalement la liberté de reconstruire totalement le monde. Je pense aussi que, en fonction de la partie et des joueurs que tu vas avoir à la table, en fait, on a tendance à s'approprier l'univers, le cadre, de façon complètement différente. Et les joueurs, de toute façon, redéfinissent en fait l'univers dans lequel ils jouent. Parce que, en tant que meneur de jeu, il y a des choses que tu vas laisser tomber dans l'univers, il y a des choses que tu vas garder, il y a des choses que tu vas creuser parce que tu vois que ça intéresse les joueurs. Donc, je pense que l'univers aussi est mouvant au niveau des héros, mais il est mouvant aussi au niveau des joueurs et de leurs attentes. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que j'avais le sentiment que justement, dans les univers à secret, ben, on était plutôt là pour découvrir et non pas pour modifier les choses. Je te dirais que ça dépend en fait. Les Ah, jeux mais ont je dirais souvent que tu peux des faire les deux, hein. ouais. Les jeux ont souvent des évolutions. Enfin, tu t'aperçois que par exemple, ben, des jeux comme Vampyr, c'est des jeux qui ont énormément eu d'évolution même dans le setting, dans le cadre de l'univers. Donc au bout d'un moment, c'est des jeux qui avaient peut-être des choses assez light au départ, mais qui ont été amenés à être creusés dans certaines directions. Et c'est un peu, enfin, je veux dire, Glorantha, je pense, c'est un peu la même chose. Au départ. La base était assez light et puis il a avec le temps empilé, empilé, empilé en fait. Ah, la base, c'est un wargame, Oui, c'est ça. Il y avait que Orlante hein. Et la ligne rouge. voilà et la Lune Rouge et c'est devenu quelque chose, c'est devenu un univers. Complètement, complètement. Et d'ailleurs, ça se sent aussi dans la manière dont par exemple, les rapports sociaux se construisent avec le temps, le rapport au féminin et au masculin. Sacré, par exemple, est très sommaire dans les années 70 et puis s'affine petit à petit dans les dernières éditions. Maintenant, c'est très intéressant et presque ethnographique. Oui, non, c'est clair. Est-ce que quelque part, on pourrait dire que ces vieux univers un petit peu datés et très, très vastes, très amples, est-ce que c'est pas l'ancêtre d'une narration plus partagée, plus équitable, où les joueuses pouvaient s'approprier des éléments de l'univers et créer des vérités narratives? Au fur et à mesure que vous parliez, je me suis dit que j'ai essayé de replacer ça dans le jeu dont je parle et que je connais, et je me disais qu'il y a un décalage peut-être assez fort entre un univers qui suggère beaucoup de stabilité, beaucoup de justement d'immuabilité, de choses qu'on ne pourra jamais changer, avec les niveaux de puissance et de secret qui se superposent, qui reviennent finalement à dire, en termes de vraiment de contexte et d'univers, que quoi qu'on fasse, il y a des gens plus forts et qui en savent plus. Du coup, à partir de là, ça fait qu'on peut remuer son niveau de pouvoir, mais qu'il y a des gens qui tirent les ficelles plus loin, plus fort, plus haut, qui pourraient être la raison de tenir un statu quo sur le monde lui-même. Et ça contraste pas mal avec le fait que le système de règles, si on le suit à la lettre telle quelle, permet d'atteindre des niveaux de puissance où, on peut créer des planètes, détruire des zones qui sont comptées en unités astronomiques, enfin des choses assez folles et dont on pourrait penser qu'elles changent radicalement le monde. Du coup, voilà, je voulais dire un peu ça. Et pour le rapport au secret, comme tu parlais des univers à secret qui méritent d'être découverts plutôt que modifiés, pour moi, ça va pas mal ensemble, parce que tant qu'on n'a pas conscience de quelque chose, on peut difficilement, ou alors que par accident ou par effet papillon, éventuellement, changer les choses, ou en tout cas prendre la décision consciente de changer les choses. Les secrets, s'ils sont faits pour être découverts, c'est pas juste pour être contemplés une fois qu'ils sont découverts, même si c'est déjà pas mal, hein, ça prend déjà beaucoup de temps, et ça fait déjà beaucoup de plaisir. Mais par exemple, dans un Cthulhu, il y a de fortes chances que plus on en sache, moins on puisse agir dessus. Mais encore que on peut agir, c'est pas fou, quoi. Forcément de s'en plein gré. Enfin bref, c'est compliqué. Mais dans l'humain en tout cas, et dans d'autres jeux que ça m'évoque, les secrets, en fait, quand on les découvre, c'est là où on commence à avoir pas juste le cerveau dedans, pas juste l'esprit dedans, mais la main et le pied potentiellement dedans. Qu'on peut vraiment commencer à touiller dedans, savoir où appuyer pour que ça fasse mal, pour que ça bouge, pour ennuyer les personnes qu'il faut ennuyer, pour que ça se mette en branle. Est-ce que pour toi, ça a presque un effet click and point ? C'est-à-dire, moi, j'ai pas mal joué dans ma jeunesse au jeu click and point, et tu mets un peu 10 ans à découvrir quelque chose, et une fois que tu l'as découvert, tu veux impérativement lui trouver une utilité et essayer de faire des trucs rigolos avec. Vraiment, ça a nécessité d'efforts, quoi. Ça m'est effectivement déjà arrivé, et même ça arrive souvent parce que l'univers d'Anima étant tellement vaste et les niveaux, encore une fois, de secrets tellement articulés les uns autour des autres, que quand un groupe de personnages découvre, ou plutôt est découvert, ou plutôt qu'une organisation secrète se laisse découvrir par eux, voire les contacts, ils ont tendance à prendre cette organisation et ces secrets-là comme prisme pour tout regarder après, pendant un certain temps en tout cas. On leur fait comprendre qu'en fait, il n'y a peut-être pas que des humains sur ce monde et qu'il y a des communautés non humaines qui se cachent depuis les grandes croisades où ils étaient censés avoir disparu. Et ben pouf, d'un coup ils soupçonnent tout le monde, ils ont envie, dès que leur perso se fait blesser, de créer un truc avec des tentacules ou des oreilles pointues ou que sais-je, enfin voilà. Le jeu est un miroir de la réalité. Tout à fait, mais du coup ça ouvre le monde et le restreint en même temps, parce que ça, justement, les secrets forment un nouveau paradigme qui se rajoute à partir du moment où on les découvre. Et dans une certaine mesure, je crois, efface l'ancien monde. Ça, c'est peut-être pas vrai dans tous les jeux, hein, mais... Tu veux dire que la caméra change de point de vue et ça n'a plus du tout la même gueule qu'avant, quoi. C'est ça. Mais ça arrive aussi dans pas mal de séries ou de films où, par exemple, des séries policières ou des choses comme ça qui montent et qui climaxent, où au début, on suit des petites enquêtes avec pas grand-chose d'important forcément, mais du coup, elles ont toutes de l'importance parce qu'il n'y a pas beaucoup plus important qu'elles. Et quand on commence à flairer la conspiration qu'il y a derrière tout ça, les manigances, tout ça, les enquêtes du quotidien n'apparaissent quasiment plus, n'ont plus d'importance, parce que le point focal de l'histoire et de la narration monte d'un cran, et que ce qui est en dessous devient ennuyeux par la comparaison. Ouais, c'est pour ça que pour moi, l'univers tourne autour des héros. Si tu as des héros qui ont choisi d'avoir des connexions avec la mafia, ben, ils vont s'intéresser majoritairement à la mafia, et tu vas les amener à s'intéresser à la mafia. Si tu as des joueurs qui sont intéressés à explorer le monde des esprits, ben, tu vas jouer plus dans le monde des esprits parce que c'est ce qui leur plaît, en fait. Et donc, du coup, c'est vrai que tu vas explorer qu'un petit bout de l'univers, mais c'est, en soi, c'est ça qui m'intéresse, les héros et le cadre autour. Et est-ce que pour toi, juste pour rebondir sur ce que tu dis rapidement, le hors-cadre a de l'importance. Je me permets une petite anecdote, mais j'ai un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Pierre Jeunet, notamment il y a un film qui a été assez populaire à une époque, qui s'est vendu à l'international, s'appelle La Cité des Enfants Perdus. Et Jean-Pierre Jeunet disait que la qualité du jeu des acteurs faisait que les acteurs jouaient aussi hors champ. La question que je me pose, c'est est-ce que le hors champ, c'est-à-dire est-ce que ce qui n'est jamais montré ou suggéré de très loin, a aussi une grande importance? Oui, c'est le décor pour moi. C'est le décor. Il faut qu'il y ait du décor pour que les choses paraissent crédibles. C'est sûr que sinon tu joues avec des héros de papier, quoi, en fait, dans un monde complètement faux qui pourrait être le nôtre. Il faut que le décor En soit fait, là pour te rappeler que tu es dans un décor et c'est pour ça que tu as un décor et des, entre guillemets. Alors, je ne veux pas faire une comparaison avec le théâtre, mais ton personnage, c'est un costume, en fait, qui te permet, enfin, c'est. Tout ça, c'est de la couleur qui permet de t'intégrer dans l'univers. S'il n'y avait pas cette couleur, tu t'intégrerais pas dans l'univers. alors des héros faits de papier dans un monde faux, ça me paraît être une bonne définition du jeu de rôle de base. Mais faut qu'on y croie. Faut qu'on y croie. Donc, Oui. il faut quelque chose pour que tu y croies. Tout à fait. Mais du coup, cette question du hors-champ, je sors un peu du cadre de ce que je dis d'habitude parce que c'est encore plus clair. Mais il m'est arrivé de faire des jeux de rôle grandeur nature et là-dedans, de faire des personnages qui avaient des capacités, des connexions et de ne jamais m'en servir pendant tout le long du jeu. Ou même en jeu de rôle, d'ailleurs, ça m'est arrivé aussi, de ne jamais utiliser ce qui est sur ma fiche de personnage, mais d'interpréter le personnage avec beaucoup plus de corps parce que je sais qu'il y a les choses derrière. Elles sont jamais évoquées dans le cours de la narration, mais la narration serait vraiment pas la même s'il n'y avait pas ces choses-là en arrière-plan. Et pour des personnages, je l'ai ressenti de façon très vivace parce que je le jouais vraiment et je choisissais ce que je mettais en scène de façon très très personnelle. Mais je pense que pour des univers de jeu, le fait de savoir qu'il y a des choses dessous et quelles choses dessous, même de façon très subtile et lointaine, influence ce qui se passe dans le champ, je pense aussi. Dans un jeu comme Glorantha, c'est d'autant plus notable que la moindre motte de terre peut receler une histoire. Enfin, je veux dire, on arrive à des choses épiques à partir de pas grand-chose. Du coup, effectivement, pour les joueurs, alors c'est une difficulté. Et là, je parle vraiment en tant que meneur de jeu, parce que d'un côté, il faut faire sentir cette profondeur, de l'autre, c'est facile d'engloutir les joueurs avec la couleur exacte de la bague qu'ils doivent porter le jour de la fête d'Orlante. Et puis au pied droit, pas au pied gauche, parce que sinon le monde va mal. C'est pas intéressant. Par contre, dans l'autre sens, on peut effectivement très vite faire sentir cette profondeur. Après, bah, et puis là, on rebondira sans doute encore là-dessus plus tard. Finalement, fondamentalement, cette question du hors-champ, de ce qu'on met en champ, c'est la question, on va dire, des effets de réel, donc de la manière dont on va raconter un récit en donnant des impressions, en donnant des illusions très clairement. Ce qui est intéressant avec le jeu de rôle, et c'est une partie du cadre de ce podcast, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec un système de règles et avec une construction d'univers qui vont se répondre l'une dans l'autre. Bon, on a encore le temps d'approfondir cette question-là. Ouais. Je voulais juste revenir rapidement sur ce que j'avais évoqué, qui semble être un sujet vaste, mais j'aimerais au moins qu'on puisse, autant soit peu, l'évoquer, au moins. C'est justement cette idée que le pouvoir sur l'univers des joueuses est peut-être l'ancêtre du pouvoir de narration qui a été beaucoup développé après, peut-être dans les années 2000, avec les premiers jeux anglo-saxons qui ont beaucoup éclaté la position du meneur, notamment. Ben Est-ce que... clairement, enfin, si t'as pas de joueur, t'as pas de joueuse, t'as pas de partie, quoi. Enfin, Ouais. t'as un jeu que tu mets dans ta bibliothèque, quoi, c'est ça? Je comprends, mais moi, ce qui m'interroge vraiment, c'est sur cet aspect de l'univers. Est-ce que pour vous, l'univers a lancé cette envie de peut-être raconter davantage? Mais si je peux me permettre un tout petit peu. Le truc, c'est que dans l'histoire même du jeu de rôle, les choses sont pas si claires. Blackmoor, qui est l'ancêtre qui va déboucher sur les règles de Donjons et Dragons, c'est déjà une volonté de mettre en scène un univers d'une certaine manière. Et même les règles de Donjons et Dragons, au final, c'est une façon de construire du dramatique. Les règles de magie, elles sont exemplaires. Elles traduisent du roman en termes de jeu. Et Blackmoor, c'est vraiment quelque chose qui va se construire en. Comment dire, de façon organique, en tentant d'organiser du récit. Alors après, effectivement, il y a un moment dans les années 70-80 dans lequel le jeu va devenir très simulationniste, et puis Donjons et Dragons, la 3.5. Non, mais c'est clair que c'était déjà des univers émergents. Hein. Enfin, dont il parle Blackmoor, c'est un univers émergent qui donne Greyhawk derrière, qui est un univers qui a l'air construit, mais qui est un univers émergent au départ. Complètement, non, non, c'est... Enfin, c'est exactement ça. Donc, il y a une discussion entre les deux pôles, et puis on pourrait remonter encore avant à la question, par exemple, de l'arbitre dans les wargames. C'est une vieille histoire. C'est pas neuf. On a maintenant d'autres réponses à ça. Mais Laurent a aussi un univers émergent, enfin, au départ. Enfin, il faut pas croire que les univers ont été posés comme ça, de toute brique, en fait. Ça dépend lesquels. Mais alors notamment, j'ai l'impression de comprendre ce que tu dis, Arjuna, c'est que, enfin en tout cas, il y a un parallèle qui me vient en tête, c'est très clairement mes parties de Warhammer et mes parties d'Ambre. Il y a une nuance très très nette dans l'échelle d'impact que sont censés avoir les personnages sur l'univers. Dans Warhammer, on joue un petit peu des bouses qui n'ont... Déjà, enfin, si elles survivent à leur propre mise au monde, c'est déjà pas mal. Et si elles arrivent à avoir une carrière autre que fermier, c'est déjà pas mal aussi. Alors que dans Ambre, on joue plutôt des personnes qui sont la famille royale du multivers, globalement. Et dans l'un et dans l'autre, j'ai effectivement eu l'impression de beaucoup plus me laisser conduire par du maître de jeu et par un univers... par l'univers aussi qui était beaucoup plus directif et qui prenait la place de la narration des mains des joueurs, alors que dans Ambre, il m'est arrivé relativement souvent d'avoir notre meneuse de jeu qui nous lançait une piste, prenait un bouquin et vaguement interagissait de temps en temps quand on avait vraiment besoin d'elle, mais sinon on racontait l'histoire juste entre nous avec moult rebondissements rien qu'entre nous. Du coup, effectivement, le niveau d'implication et de possibilité de changement de l'univers, comme tu disais, pour moi, qui est conditionné par ce qu'on joue et donc par l'univers presque autant que par les règles, change effectivement la quantité de choses qu'on peut dire et qu'on peut décider en tant que joueur ou joueuse d'un personnage de cet univers. Et de ce que je te suis, dans ces jeux-là, on pourrait dire que... Il y a un aspect presque métafictionnel, là, je dis des mots compliqués comme ça c'est intelligent, mais du fait que souvent le pouvoir sur la narration des joueuses est assez équivalente au pouvoir des personnages sur le récit. C'est-à-dire, par exemple, tu me parles de famille royale, c'est des personnages qui sont très en avant par rapport à ce qui se passe autour d'eux, quoi. Oui. Et quelque part, dans Anima, c'est pas forcément évident dans l'univers, parce que autant on situe assez bien ce qu'on crée en début de parcours et en création de personnages au niveau 1, tout ça, autant ce qu'il en advient ensuite, c'est beaucoup moins décrit en termes d'univers. Les personnages, entre guillemets, puissants, d'un point de vue de règle, peuvent être presque tout et n'importe quoi dans l'univers. Du coup, c'est pas bien défini à ce niveau-là. Mais la plupart du temps, tout de même, au fur et à mesure qu'on acquiert des pouvoirs et qu'on acquiert de l'importance dans l'univers et de la possibilité d'interagir avec l'univers, on choisit de plus en plus ses aventures. J'ai eu le cas à une convention, d'ailleurs, où je t'avais croisé à Toulouse, où un meneur de jeu me racontait que sa table avait quasiment le livre d'univers sous les yeux et décidait à quelle organisation ou quel grand ponte de l'univers ils allaient s'attaquer aujourd'hui. Ce qui sont des décisions qui ne peuvent clairement pas se prendre en début de campagne. Ah oui, c'est intéressant. Ça, on pourrait dire aussi que le pouvoir des joueuses, c'est aussi quel type d'interaction elles peuvent avoir avec le livre. Typiquement, dans les jeux à secret, le livre, ça reste quelque chose de lointain et de mystérieux, quoi. Alors que là, tu nous décris carrément des gens qui fouillent dans la base de jeu, quoi. Tout à fait. Alors qu'effectivement, en début de partie, je conseille à tous mes futurs joueurs d'Anima, tous mes futures joueuses d'Anima, de ne pas se renseigner par elles-mêmes, parce que ça peut mener à des grosses désillusions ou à des grosses confusions entre ce qui est voulu en tant que secret à découvrir pendant la partie et ce qui est proposé dans les livres. Quelqu'un avait quelque chose à rajouter là-dessus ? Oui, c'est juste un tout petit point de détail, mais je pense que c'est intéressant parce qu'avec sa longue histoire, Glorantha a aussi eu plusieurs systèmes de règles. Et le premier à noter, c'est le système RuneQuest, qui est basiquement un des ancêtres du système basique ou du système Chaosium. Et on voit qu'il y a vraiment un gros axe sur la simulation. Par contre, le deuxième, qui apparaît d'ailleurs aussi à la fin des années 90, c'est un système qui est beaucoup plus narratif, dans lequel en fait tous les jets de dés sont similaires et ils sont uniquement dramatiques. Et je pense que c'est aussi intéressant de voir ce changement de focalisation et puis de comprendre qu'il y a aussi une histoire du jeu de rôle en termes de ce qu'on va choisir plutôt d'interpréter et de considérer, quoi. Ouais, et à quel point, c'est aussi un peu l'approche système Dose Matter, à quel point changer de système, ça peut être changer le propos du jeu et changer ce qu'on y cherche potentiellement. Je crois que. Ouais. Donc, de nouveau, c'est quels effets on va mettre en avant, finalement, pour raconter l'histoire. Et ça change un peu la focalisation. Après, pour moi, il y a une continuité directe entre la règle et ce qui est raconté. Mais justement, quand ils ont changé ce système de règles, est-ce que pour toi, est-ce qu'ils ont aussi un petit peu changé la manière de rédiger l'univers ou pas du tout? Alors, d'une certaine façon, oui, parce que dans les premières versions, on reparle de ces mondes émergents, on est quelque part quand même encore dans une forme de donjons et dragons en plus compliqué et puis un peu plus antiquité que médiéval. Je dis en plus compliqué, avec des dieux un peu mieux décrits, avec des cultures un peu plus fines et puis qui essayent de raconter tout ça. Le changement de système correspond effectivement à une réédition complète de l'univers avec la volonté réellement d'approfondir les aspects narratifs et les aspects, on va dire, culturels, de background, etc. Mais c'est quelque chose qui était présent déjà avant et puis qui a, si on veut, de nouveau se construit un petit peu dans une dynamique proche, quoi. L'une avec l'autre, en s'accompagnant. Alors, autant j'ai aucun doute sur la capacité des règles à changer le vécu dans l'univers. Notamment, il m'est arrivé d'avoir l'expérience extrêmement mystérieuse d'être joueur sur une partie d'anima motorisée par le système DK, qui est très éloigné du système originel d'anima. Enfin, très éloigné. En tout cas, en termes d'implication sur la puissance et l'interaction avec le monde, c'est assez différent. Mais je me demande, ce que je ne peux pas visualiser avec Anima, parce qu'il a extrêmement peu changé depuis sa création, il a que 10 ans, il est toujours en cours de parution de la première édition et demie. Du coup, je me demandais, est-ce que, à l'inverse, un changement d'univers sur un même système, et ça c'est plus peut-être sur une quest que Antoine pourra me répondre, qu'est-ce que ça change sur le système, en fait? Est-ce qu'il y a des impacts inverses? Mais très, très basiquement, le système basique, le système Chaosium, il a ensuite été adapté à une quantité de jeux de rôle. Il est même un des ancêtres directs des règles de l'appel de Cthulhu. Donc, dans ce sens-là, ce que je veux dire, c'est que les premières versions de règles sont des espèces de simulations très absolues qui essayent de rendre compte de la réalité, si on veut, de la chiffrer d'une façon statistique, de donner des chances de réussite à certaines actions. Ensuite, on va inscrire dans ce cadre-là la magie, le surnaturel, etc. Les règles suivantes sont beaucoup plus narratives. Ce que ça change peut-être, c'est qu'effectivement, on donne plus de possibilités d'exprimer la narration. Pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est des règles qui ne sont pas universellement adorées. C'est une théorie, je crois, qui était née avec Donjons et Dragons. L'histoire que dans Donjons et Dragons, dans les règles de Donjons et Dragons, il y a un substrat d'univers qu'on appelle le Dungeonverse, en fait, qui est l'univers de donjons, en fait, et qu'on peut retrouver décliné. Mais tant que tu joues avec les règles de donjons, tu restes dans l'univers de donjons. De nouveau, c'est un problème de ce que tu choisis pour raconter, effectivement. Et d'une certaine façon, ça implique un certain regard sur le monde. Donjons et Dragons est très clair là-dessus. En même temps, j'ai envie de dire qu'il a aussi été énormément adapté. On a pu un petit peu le retourner par certains endroits. J'ai l'impression qu'il y a certains aspects esthétiques dans les univers qui sont très forts et qui sont très, très porteurs de règles. Quand on parlait de Donjons et Dragons, là, bon, c'est plutôt au niveau des règles, mais on est quand même dans un univers où, a priori, il y a une létalité assez forte. Et à l'inverse, ton jeu, Julien, des terres suspendues, propose le fait que les personnages ne peuvent pas mourir, hein, ce qui crée des règles. Si, bien sûr qu'ils peuvent mourir. Ah, d'accord. Bah, est-ce que tu pourrais préciser ça et à quel point ça peut apporter sur l'esthétique et ce que ça peut apporter en termes de contraintes, ça m'intéresse. Ça va être compliqué parce que je ne peux pas te faire une réponse simple à ça. Mais en fait, la base de ma réflexion au départ, c'était qu'est-ce que serait un univers où la magie existe et où la magie définit toute la physique. Donc, oui, la mort existe, mais il y a des sortes de résurrection ou quoi que ce soit. Enfin, c'est quelque chose qui a été exploré, enfin une piste. Il y a plusieurs romanciers qui l'ont exploré aussi parallèlement, je dirais, parce qu'on m'a fait découvrir après qu'ils existaient. Et je les ai lus, mais à partir du moment où tu postules que ben, un sort comme résurrection existe, tu peux, enfin, il faut en envisager les limites, les possibilités ou quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, à un moment, tu te poses en tant que, je dirais, physicien de la magie, et tu te dis, ben oui, il y a une létalité très forte. Alors ce que je fais dans mon jeu et qu'on retrouve dans d'autres univers aussi où la magie existe, c'est qu'à partir du moment où la résurrection existe, le fait de tuer quelqu'un, c'est quelque chose de banal, en fait. Et on peut tuer quelqu'un juste parce qu'il vous a manqué de respect. L'idée, après, c'est comment on le tue et jusqu'à quel point on le tue. La différence dans un Donjon Dragon, c'est que, par exemple, il faut une certaine quantité de pognon, oui, ou il faut avoir le bon niveau, alors que toi, c'est de base, par exemple. Bah, c'est accessible. Disons que ça fait partie des bases de l'univers. Le sort de résurrection est un sort très simple, accessible, je ne dis pas à tout le monde, mais qui ne coûte pas cher. Parce que si on en parle termes d'argent. Ouais, si on parle de létalité de l'univers, par exemple, le fait d'avoir des sorts de résurrection, ça pose une létalité qui est différente et qui va apporter des éléments de ton ou d'esthétique ou dans la manière dont les joueuses vont se positionner par rapport au jeu, qui est différente que dans un culte, typiquement. Ouais. Après, je dirais qu'il y a un choix. En fait, j'aime bien toujours mêler le jeu et le méta-jeu, ou le jeu et le hors-jeu. Et en fait, il y a l'idée que ton personnage peut mourir dans une partie de jeu de rôle, sauf que dans la plupart des jeux, ton personnage, le meneur de jeu, empêche qu'il meure, plus ou moins. Là, l'idée, c'est que je voulais que le personnage, enfin, je voulais aller jusqu'au bout. Oui, le personnage peut mourir. Mais tant que le joueur est autour de la table, eh ben, il y a des moyens de que le personnage soit rappelé à la vie. C'est un peu cette idée que tant que le joueur est là, ben, le héros est là. Il y a un peu... J'aime bien mêler à la fois l'univers en jeu et l'univers hors jeu, en fait. Le fait qu'il y ait des répondants. Tu ne peux pas te dire à un moment, oui, ton personnage est mort, eh ben, écoute, va jouer dans le placard pendant que nous, on continue la partie. Tu vois, c'est... Il y a des jeux qui sont sans pitié avec ça. Les autres, je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur la létalité de l'univers en particulier, peut-être sur d'autres types de règles esthétiques en général, quoi. Ben, pour le coup, pour la résurrection, l'existence de sorts de résurrection ou de choses comme ça, je me pose la question si c'est une décision de règles d'univers ou forcément des deux. Parce que ça influe tellement sur le vécu du quotidien que c'est forcément une décision consciente de description d'univers. Et en même temps, ça doit être traduit en termes de règles pour être régulé et que ce ne soit pas gratuit au pop-up tout le temps. Du coup, je pense que c'est presque un assez mauvais... Enfin, c'est un exemple frappant parce que la mort est fatalement quelque chose de traumatique et d'important, au risque de dire des évidences, mais ça me paraît pas si crucial que ça. Et pour revenir à ma spécialité, dans Anima, il y a des rythmes de récupération, que ce soit de points de vie, d'essence magique et choses comme ça, qui sont définis en détail par le système, mais qui ne sont, à mon souvenir en tout cas, jamais évoqués dans les descriptions d'univers. On ne dit à aucun moment qu'on met plusieurs semaines de convalescence à se remettre d'une bataille. On compte un peu sur le bon sens des gens et le, entre gros, gros, gros guillemets, réalisme, pour que les gens supposent que se faire hacher un menu, ça met longtemps à récupérer. Mais ce n'est pas explicité. Du coup, c'est quelque chose qui a été souvent changé, parce que ça change énormément de choses dans le rythme de la narration, de pas pouvoir enchaîner les combats, de pas pouvoir enchaîner les scènes d'action n'importe comment, ça convient pas à tous les meneurs de jeu, et du coup ça a été régulièrement changé, mis à mal, enfin mis à mal ou à bien, ou mis en adéquation en tout cas avec les envies de jeu des meneurs et des joueuses, parce que l'univers ne le contraint pas dans Anima. Et du coup là, ça pourrait faire vraiment quelque chose de beaucoup plus notable, parce que c'est pas une décision, enfin ouais, c'est pas une décision, c'est pas un élément de design qui est si flagrant que ça, alors que la résurrection, c'est forcément géré des deux côtés. Enfin, en tout cas, j'en ai l'impression. Et si je vous parlais par exemple dans les univers du rapport au danger, du rapport à l'horreur, et peut-être aussi des présences possibles de scènes plus liées au partage, des scènes plus introspectives, des scènes plus joyeuses, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble flagrant, vous, dans les univers que vous décrivez, quoi ? Enfin, ces différentes transitions esthétiques, je dirais. Mais quelque part, avec Glorantin, on est complètement dans un jeu esthétique. J'ai envie de dire que, d'une part, ces moments de partage, ces moments introspectifs, ils correspondent en partie à l'expérience culturelle qu'il faut faire ressentir aux joueurs, la façon de leur donner un ancrage dans dans le cosmos qu'ils habitent. Et puis après, effectivement, ça devient d'autant plus facile et d'autant plus intéressant de poser aussi en face une esthétique soit de l'horreur, en l'occurrence le chaos, soit on va dire, de l'autre, de l'altérité, en rendant l'autre différent, attirant, dangereux, et donc en jouant sur les dynamiques du récit. L'intérêt pour moi dans ce type de jeu, justement, des passages plus narratifs, je vous dirais même dans certaines de mes parties, c'est facile à mettre en scène pour la culture avec laquelle je joue. Je raconte simplement des contes aux joueurs issus de la mythologie de Glorantha, au coin d'un feu, dans une soirée, etc. Ce qui permet de nouveau de cristalliser les grands problèmes, les grands nœuds dramatiques de l'univers. Si j'ai l'impression, c'est quelque chose qui est très rarement mécanisé, c'est l'idée de scène. Plus le terme. Mais l'idée de scène où on va poser des scènes plus du quotidien, des scènes. Les scènes de la vie courante. Mais pour moi, ça fait partie du jeu d'enquête. Hein. Toutes les séries policières alternent des scènes de la vie courante et des problèmes du quotidien. Et je pense que ça fait partie de. Ça participe de l'ancrage des joueurs dans l'univers. C'est pas des gens qui sont parachutés là. C'est des gens qui vivent là. C'est décrit par exemple dans ton jeu, et si c'est le cas, tu saurais me dire où, éventuellement. Enfin, décrit ou induit, tu vois. C'est induit dans la. Alors, comment on appelle ça ? En fait, tu choisis pas un historique. En fait, tu choisis une grande tendance de ton personnage, en fait, qui va définir un peu. Bah, tu sais un peu. Je m'inspire des séries policières. Donc, il faut quelque chose pour que le meneur de jeu construise à partir de là. Donc, tu choisis. Alors, c'est des historiques assez générales, assez bateaux, que j'ai appelé grand frère, vengeur, flambeur, et en fait, qui vont définir un peu le rapport de ton personnage à l'univers. Donc, si t'es grand frère, t'as un côté protecteur et ça implique qu'il y ait derrière toi que t'aies une famille à prendre en charge ou que tu peux avoir des amis, proches, quoi que ce soit. Si t'es vengeur, c'est que t'es là pour te confronter quelque part à un problème non résolu du passé, que t'as une décision à prendre. Donc, c'est mécanisé de façon assez light, ouais. Petite question, Julien. Quelles ont été les séries en fait policières qui t'ont inspiré pour Terre suspendue ? Alors, quelles sont les séries policières ? En fait, je suis un gros fan de séries policières, donc je balaye un spectre assez large, mais c'est clair que tu vas plus me retrouver vers sur des séries, alors assez classiques, hein, ces séries où tu as une enquête, et en fait, l'enquête ne sert que de prétexte à la mise en scène de personnages autour et de leurs relations autour. D'accord. Tu vas retrouver beaucoup de séries en fait du quotidien là-dedans, je pense. Ouais, j'ai fait un podcast sur le JDR solo où on s'attardait sur le fait que Sweet Agatha, qui entre autres, on va suivre la disparition d'Agatha, qui va laisser tout un tas d'indices derrière nous, Et on disait que c'était très lié au film policier et au fait que dans beaucoup de séries policières, la découverte de l'enquête et de ces gens et de ces enfin les révélations de l'enquête sont pas si intéressantes que ça, mais que c'est souvent plutôt ce qui se passe dans le personnage, ce qui se passe entre les personnages, ce qui se passe avec les acteurs, enfin les suspects de l'enquête, etc. Et Là, je c'est une parle structure des, narrative qui est tu assez sais, des intéressante. enquêtes policières, typiquement ces enquêtes policières à équipe, où tu n'as pas un personnage principal, mais où tu as, enfin, ce Ouais. qui m'inspire, c'est surtout, tu sais, ces enquêtes où tu as quatre personnages principaux, en général quatre ou cinq, avec chacun un profil très, très typé. Parce que la construction est la même et ça permet en fait de, j'irais, de créer des séries à l'infini. Hein. C'est les séries en général qui durent, qui peuvent durer 10 saisons, 20 saisons, quoi que ce soit. Parce que tu peux toujours en rajouter et qui, bah, en jeu de rôle, est un moteur parfait parce que bah, tu peux rajouter une enquête à chaque partie, mais une enquête qui sert de toile de fond. Oui, quelqu'un voulait rebondir avant ça. Ou... Oui, pour moi, c'est un petit peu la nuance entre le fait de raconter des histoires et résoudre des énigmes. Dans le sens où, globalement, si une enquête, c'est juste trouver l'indice A, train, ou trouver l'indice B, faire la conclusion, effectivement, ça ressemble à ce que, à ce qu'il y a fort longtemps, on a pu faire dans les, dans des débuts du jeu de rôle et qui ne se fait quasiment plus, à savoir vraiment les, non mais vraiment les Oui, non, énigmes c'est clair. purement mathématiques ou purement de trouver un mot de passe ou quelque chose comme ça qui se fait quasiment plus. Et pour s'orienter vraiment plus sur les personnages, leur psychologie, les choses qu'ils ont à raconter, les thématiques de décor et les enjeux. Et du coup, c'est intéressant de faire le parallèle avec ces séries-là parce que même celles où le fond du propos et le résultat des enquêtes est intéressant, de plus en plus, j'ai l'impression, si elles n'ont plus de, si elles n'ont plus de personnages forts, ça sert pas à grand-chose. Et Sherlock Holmes, par exemple, s'est posé assez tôt à mettre un personnage spécifiquement déviant et charismatique, ou les deux à la fois, en tant que, en tant que personne qui résout des puzzles. Et ce qui en a fait peut-être une grande partie du succès. Après, on retrouve l'équilibre quand même entre les épisodes et la campagne. À un moment, il faut aussi réussir. Enfin, une histoire policière, par exemple, même une petite histoire à énigmes excellente pour un épisode, il en faut plus, il faut des personnages pour tenir l'intérêt, mais Sherlock Holmes en ce moment raconte des histoires qui sont honnêtement moins bonnes, et le personnage à un moment suffit plus à retenir l'intérêt non plus. C'est ça tout l'équilibre aussi. Je pense que Benedict Cumberbatch peut gagner de l'audience à l'infini sans problème. Peut-être, peut-être. Disons que je pense qu'il y a plein de prismes à envisager pour faire du récit d'enquête. Mais ce que dit Julien, ça embraye un peu sur une partie de la problématique que j'avais envie d'évoquer. La place du personnage dans le récit, mais dans le récit mis en place par la table, non pas dans l'histoire avec un grand H. Et l'une des choses qui m'intéressait beaucoup dans les jeux que vous êtes venus présenter, c'était les interactions avec les autres PJ. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui peut être intéressant d'explorer? Et qu'est-ce que peut-être met en avant l'univers dans ces interactions? Est-ce que vous auriez des choses à rajouter, vous, par rapport à des choses que vous avez déjà évoquées? J'ai énormément de personnages qui s'entretuent dans les one shot d'anima parce que non mais vraiment parce que les problèmes d'incompatibilité de religion de choc des cultures est assez présent et c'est accentué par par les couches de secret et le fait que qu'il est très rare que des personnes en début de carrière en tant que marginaux aient une vision d'ensemble des choses et du coup forcément se méfient de ce qu'ils ne connaissent pas et ont l'impression de tout connaître au début et tombent de haut dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît dans leur spectre de visibilité. Du coup, il y a assez régulièrement des interactions houleuses entre PJ qui ne sont pas forcément faciles à lier ensemble parce que la création de personnages et l'univers et la grande diversité culturelle, religieuse et de savoir des personnages qu'on peut créer peut vraiment clasher ou mener à à des difficultés. Et bon, pour des one-shots, je me permets de ne pas cadrer ça davantage, parce que de toute façon, on a de la marge, on est là pour une partie, bon. Mais pour de la campagne, ça demande des efforts particuliers qui sont écrits ni dans l'histoire, ni dans l'univers, ni dans les règles. Et il faut rajouter une couche d'appréciation du MJ et de mise ensemble des caractères, sans quoi ça risque d'exploser en début ou milieu de campagne. Je ne sais pas justement comment Anima décrit la position de la meneuse, mais est-ce que pour toi c'est carrément un oubli ou une erreur, ou est-ce que pour toi c'est une volonté du jeu de mettre la personne qui anime le jeu dans cette situation difficile ? Je pense que c'est un petit peu un oubli, parce que à part ça, c'est un des rares jeux aussi traditionnels, à niveau, à tableau, etc., qui utilise, enfin, de ma connaissance en tout cas, dans ce qui ressemble à du médiéval fantastique, à utiliser meneur de jeu et pas maître de jeu. Enfin, peut-être que ça a changé récemment, hein, j'en ai plus lu tant que ça. Ouais, ça a pas mal changé, c'est surtout la génération D&D qui a beaucoup utilisé le terme de maître. Et... Dans Prophétie, si je peux te couper, c'est pareil, on parle de meneur de jeu, hein, pas de maître de jeu, mais de meneur de jeu. Bah, j'en avais pas vu beaucoup avant Anima en 2007 qui utilisait cette terminologie-là. Mais il date de 2001, Prophétie, quand même. Et du coup, je disais, je pense que c'est un oubli, cet élément-là de rassemblement des personnages et de dresser un peu un cadre, parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont mises très précisément. Typiquement, les règles, le livre écrit noir sur blanc incite à faire des choix clairs au niveau de l'ambiance, à faire des choix clairs au niveau du rythme, à faire des choix... claire à plein de niveaux, en proposant plusieurs options et en expliquant un petit peu comment elles se combinent ou pas. Du coup, avec un tel niveau de clarté sur le positionnement de la partie et de ce qu'on va vouloir jouer, c'est effectivement assez étonnant qu'il n'y ait pas plus de liant de proposer ou de façon de faire. Et donc moi, l'objet de ma deuxième question, enfin, c'est un peu le côté, l'aspect de moi qui adore le gameplay émergent qui te dit ça en fait. Mais est-ce que tu apprécies cette position d'être mis autant en difficulté, ou est-ce que c'est juste lourd et... Enfin, tu le fais, quoi, mais tu le fais parce qu'il faut le faire. suite à ça, au début que j'étais meneur sur ce jeu, j'ai commencé à faire des groupes de pré-tirés qui partageaient une même culture, qui étaient tous dans un même... dans un même contexte, qui se connaissaient à l'avance, choses comme ça, justement pour casser cet effet de diversité trop clashante. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à, un peu comme plein d'autres choses dans Anima, à apprécier les choses telles qu'elles étaient, et plutôt qu'essayer de les changer, essayer d'en comprendre les forces et l'intérêt et l'accepter pour le mettre en scène au mieux. Mais quand même, j'ai régulièrement des échos, parce que dès que quelqu'un parle d'animaux autour de moi, je leur demande comment se passe la campagne, qu'est-ce qu'ils jouent, tout ça. et ça, je ne dois pas être le seul à être un peu drogué de ce genre d'informations, mais on m'a rapporté pas mal de fois des histoires de groupes où un personnage, typiquement qui manie de la magie, a pris le contrôle total de sa table parce qu'il a pris des pouvoirs de contrôle, des pouvoirs de nécromancie et a assassiné tous ses potes et les a relevés. Okay. Des horreurs de ce genre-là, voilà, qui, à mon avis, sont très évitables avec un brin de notion de contrat social et choses comme ça, mais qui ne sont pas dans le jeu de base et qui ne sont pas écrits noir sur blanc et qui peut-être posent vraiment, vraiment problème à d'autres gens. Cela dit, la dynamique de secret et d'organisation secrète permet quand même généralement de lier des personnages très très variés en les faisant recruter par une même organisation, par un même contexte qui va leur donner une mission commune ou quelque chose comme ça. Donc il y a des moyens dans l'univers, pas dans les règles, je dirais. Ouais, et puis c'est quelque chose qui était très présent dans la campagne L'ennemi intérieur, notamment à Warhammer, où on se retrouve tous dans une merde tellement noire et tellement tout le monde nous rejette que ouais, voilà, c'est un peu c'est last de chance. Quoi, ça. Mais encore une fois, c'est l'aspect on joue des marginaux qui fait se rassembler au début, et après il faut un petit peu plus de liant si ça commence à clasher. Mais déjà le fait de jouer les 5%. des gens parmi les 5% de la population qui savent un petit peu des choses, ça lie un peu. Mais encore une fois, univers est pareil. Après, c'est vrai que moi, perso, j'aime bien adapter les PNJ aux héros, tout simplement. En fait, ce que j'aime bien, c'est que l'idée, c'est qu'à partir du moment où les joueurs veulent qu'un personnage soit de telle façon, il va devenir de telle façon, de toute manière. C'est typiquement ceux qui voient un personnage comme le méchant, ça va devenir le méchant. S'ils pensent qu'ils ne peuvent pas négocier avec lui, ils ne pourront pas négocier avec lui. Par contre, s'ils pensent qu'il y a moyen de s'arranger, de discuter et tout ça, ils vont se retrouver à s'arranger avec le personnage, finalement. Je pense que les personnages ne sont pas tout noirs ou tout blancs et j'aime bien leur donner en fait, ce qu'ils veulent. Puisque s'ils veulent ce type de personnage-là, s'ils ont amené ce type de personnage-là et s'ils ont amené le focus sur un PNJ plutôt qu'un autre, c'est parce que c'est ce personnage-là qui les intéresse. En fait. Et en ce qui concerne les PJ, parfois, c'est quoi le rôle justement des interactions entre PJ parce que ça avait l'air d'être central pour toi, quoi. C'est de se découvrir en fait, c'est clair, te pousser dans tes caricatures. Je me souviens qu'il y a un personnage que j'aimais beaucoup et que j'ai fait jouer dans un scénario qui n'a pas eu de retour, mais c'était la vieille fille célibataire avec ses chats. Alors, ce n'est pas des chats parce que c'est des petits dragons de salon, mais je sais qu'il y a des joueurs qui se sont emparés de ce personnage-là et qui ont voulu en faire quelque chose. Et donc, évidemment, à ce moment-là, je joue à fond la caricature, mais je te parlerai d'autres. Il y en a qui voient des écolos bobos en phase 2. Eh ben, ça devient des écolos bobos, les personnages. Et c'est vrai que j'aime bien pousser les gens dans leur retranchement aussi. Finalement, qu'est-ce que t'attends de ce personnage? Qu'est-ce que t'attends de cette réaction-là? Et si tu lui parles pendant 5 minutes, ou si vous leur parlez à la table pendant 5 minutes, c'est que vous attendez quelque chose de lui, en fait, ou d'elle. Et est-ce que c'est donc justement quelque chose qui est prévu quand tu crées un cadre de jeu? Parce que j'ai cru comprendre que ça fonctionnait comme ça. Et les personnages sont assez lâches. En fait, j'ai une liste. Tu sais, moi, j'ai une intrigue qui s'est... J'ai tout ce qui est avant. Tu sais, c'est des scénarios un peu type arène. C'est-à-dire, il s'est passé des choses avant, vaguement, sur lequel je peux modifier les choses en tant que meneur de jeu. Il s'est passé des choses avant. L'intrigue, en général, assez simple, même si elle met en jeu différentes factions. Il y a des PNJ qui sont concernés, des personnages qui sont concernés par l'histoire, et il y a des lieux où globalement, les héros vont pouvoir aller. Donc, à partir de cette liste de personnages et de lieux, l'aventure évolue en fonction de ces personnages et de ces lieux. En fait, c'est une très vieille façon de mener, en fait. Je me souviens que c'était dans les premières chroniques d'Outre-Monde, donc ça remonte à assez loin, de proposer, en fait, il s'est passé quelque chose jusqu'à un instant T, et les héros arrivent, et à ce moment-là, en fonction de... Les gens réagissent autour, après leur agenda, parce que chacun a une motivation derrière, mais c'est pas une méthode de jeu qui est très neuve, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui apparaît il y a une vingtaine d'années déjà. Ouais. Plus d'une vingtaine d'années, je pense. En fait, tout à l'heure, on parlait de la capacité de modification des joueuses sur l'univers. Toi, quelque part, ta capacité de modification réside dans l'interprétation des scènes, en fait. Et la manière dont ils vont les interpréter va en donner le sens et le ton. C'est clair que si ça intéresse pas un PNJ, je vais pas continuer à le jouer. En fait, je vois pas trop l'intérêt de jouer un PNJ qui saoule mes joueurs en face, tu vois, ou mes joueuses. Si par contre il y a un PNJ qui les intéresse, à qui ils ont envie de demander des trucs, ça va devenir un personnage plus ou moins central parce qu'il les intéresse. Ce que je voulais surtout dire, c'est que on parlait de caméra tout à l'heure. Enfin, je parle de caméra. Mais la manière de regarder un PNJ, par exemple. Ouais. Et la manière de le percevoir va beaucoup impacter sur ce qu'on va jouer au final, quoi. Ah, c'est clair, et je peux même aller dans la caricature, je te dis, quand on me dit « Ah, lui, c'est vraiment un écolo, il réagit vraiment comme un écolo », je vais le mettre en tant qu'écolo pour voir quel est ton rapport, en fait. Qu'est-ce que tu cherches dans ça, en fait. Mais du coup, ce que tu décris là, si je peux intervenir, c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc dans tes scénarios, tes productions ou tes jeux? Ou c'est juste ta façon de mener? Je sais pas. C'est vrai que sur chaque personnage, il y a 3 lignes. Mais en même temps, tu as une liste de personnages possibles à aller voir. Et quand tu es dans une ville, faut t'adapter aux personnages. Ils vont pas forcément... En fait, au départ, j'écrivais mes scénarios comme des scènes, un peu comme des structures. Mais je me rends compte que c'est juste pas possible. Dans une ville, si tu laisses un minimum de liberté à tes personnages, alors, ils vont pas faire n'importe quoi. Ils vont pas aller se saouler au bar du coin. Mais ils vont aller voir certains personnages et ils vont s'intéresser plus à certains personnages que d'autres. Alors, c'est pas la peine de leur mettre 10 PNJ dans les pattes quand il n'y en a que 3 qui les intéressent. Oui, mais du coup, un MJ qui fait jouer un scénario que tu as écrit, est-ce qu'il voit noir sur blanc marqué quelque chose comme si vos personnages s'y intéressent, insister et donner l'heure Je devrais le faire. Je devrais le faire, il n'y a pas ça. Je suis très mauvais commercial. Donc. C'est un peu une tradition assez ancienne, je pense. Du fait que tu vas poser ton scénario de certaine manière, du fait que le gameplay est effectivement plus émergent, mais il risque du coup plus de déborder, quoi. Ben, je te dirais que le souci du jeu de rôle, en fait, je pense que je ne suis pas le seul à le dire, mais le souci du jeu de rôle, c'est qu'il repose beaucoup sur une tradition orale. Et dès que tu commences à passer par l'écrit, ben, tu perds énormément de choses. Ouais, même si personnellement, je dirais que c'est une tradition orale assez confuse et qu'il y a d'autres formes de tradition orale qui sont beaucoup plus structurées. Oui, mais puisque c'est plus récent. Ouais, et cela dit, c'est vrai que j'ai essayé de coucher certains des scénarios que j'avais fait que j'avais conçu en cours de route sur papier, en essayant d'être à peu près aussi exhaustif que ce à quoi je pense quand je l'ai fait mener. Et c'est une horreur. Il faut... je crois même que Antoine avait lu ce premier jet de... C'est un truc que j'avais commis et, ah ouais. Et c'était d'une lourdeur sans nom parce que justement tout ce que tu dis là comme conseil, comme façon d'appliquer le focus ou pas selon les j'aimerais bien relire les corrections d'ailleurs. On y pense. Non, mais c'est une façon d'écrire qui s'apprend, qui n'est pas habituelle, hein. On n'a pas l'habitude d'écrire comme ça en fait. On a l'habitude d'écrire de manière plus narrative. On nous apprend à l'école à faire des rédactions, quoi que ce soit. On ne nous apprend pas à écrire comme ça, donc on est très peu dans le milieu du jeu de rôle à savoir écrire comme ça. En fait. C'est aussi pour ça, quelque part, que ce qui marche le mieux, c'est JDR Univers, je pense. C'est ce qu'on évoque aujourd'hui. Ouais. Et qui a ses qualités. Parce que justement, on est plus habitué à une approche littéraire. Narrative. Ouais, qui est une approche, je ne sais pas, entre guillemets, axiomatique. Enfin, je sais que j'ai un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thomas Munier, qui. Ouais, je crois que c'est lui qui utilise le terme axiome, ou alors c'est un autre de la scène narrative ou vegan, mais qui essaye de définir les univers en termes d'axiomes, et c'est certainement un challenge. Mais je pense que quelque part, il y a beaucoup à prendre de ces univers touchus pour essayer de les retranscrire. On s'est beaucoup moqué à l'époque de cette façon d'écrire les jeux, alors qui est maintenant très datée. Enfin, à un moment, quand on écrivait un jeu, on décrivait d'abord la genèse de l'univers et la mythologie, en fait. Et c'était les 20 premières pages du jeu. C'est sûr qu'aujourd'hui, aucun jeu commence plus comme ça, en fait. Non, par contre, effectivement, certains jeux peuvent s'appuyer sur leur tradition pour faire complètement disparaître les règles. Les dernières éditions de Glorantha, entre autres l'Atlas de Glorantha, a complètement supprimé les références aux règles et n'est plus et uniquement centré que sur le background. À des règles mécanisées, mais quelque part, on pourrait dire qu'en fait, que c'est blindé de règles, de même que quand tu lis... Quand tu lis Tolkien, enfin, au-delà qu'il aime faire des longues descriptions avec des personnages pas forcément toujours très intéressants, mais il y a tout un tas de règles sur ce qu'il est possible, envisageable de faire. Alors, c'est des règles plus esthétiques. Alors, complètement. Mais là, on est quelque part, justement, dans la diégèse, dans la construction directe de l'espace narratif et pas vraiment dans les règles du jeu, peut-être. Le système de résolution d'action. Pour moi, tout est règle. Hein. L'univers, c'est des règles. Mais on va distinguer le système de résolution d'action du reste, du cadre. Merci, il me manquait ce mot-là parce qu'on se rejoint complètement sur le fond. Non, même si, alors, et ça, je voulais réagir tout à l'heure quand tu parlais de la place des héros. Dans Glorantha, avec mon groupe, et je ne dis pas que c'est une approche que j'adopte dans tous les cas, ce n'est pas une approche que j'adopterais par exemple pour un one-shot, en l'occurrence, on a pris beaucoup de temps à poser une quantité de PNJ qui sont en apparence pas nécessaires à l'action, en tout cas au départ, c'est-à-dire justement à créer et à construire une espèce de communauté viable, puis aussi quelques personnages emblématiques en dehors de la communauté, l'idée étant justement d'ancrer les personnages dans leur univers et dans leur contexte. Alors après, c'est vrai que j'ai réservé quelques surprises, c'est vrai aussi que je leur ai laissé pas mal de liberté, et c'est vrai que j'ai aussi travaillé pour que, dans le cadre de cette campagne, dans laquelle vraiment les joueurs occupent le même espace culturel, c'est possible de jouer vraiment différemment, il y a aussi des liens familiaux, des liens historiques qui précèdent la naissance des joueurs, qui leur donne des rapports et des relations. C'était un choix pour vraiment explorer un des aspects culturels. Et dans ce cadre-là, je pense que c'est important de justement faire ce hors-jeu avec une quantité de repères possibles qu'on activera si c'est nécessaire. Typiquement, il y a un jeu, enfin je me permets juste d'intervenir un tout petit peu, même si je m'étais promis de ne pas le faire, mais tu as un jeu comme Fate, où tout est résumé par des traits, c'est-à-dire par des phrases, et notamment Fate est une approche très fractale, très click and point, comme je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire tu vas avoir un élément diffus, enfin une description diffuse d'un élément, et plus tu vas t'en rapprocher, plus tu vas t'y intéresser, plus ça va se préciser, et plus ça va être créateur d'enjeux pour les personnages, en fait. Bah, exactement, dans un jeu comme Glorantha, j'ai dit qu'il y avait des grands mythes fondateurs, mais évidemment, ces grands mythes qui sont partagés par énormément de gens, ils sont relativement grossiers, on parle de pouvoir, on parle d'altérité. Plus on va se rapprocher des mythes, plus on va les incarner dans la réalité sociale, plus ils vont devenir complexes et plus ils vont devenir propres à chaque petit groupe, voire à chaque individu. Il y a justement vraiment cet effet de miroir entre l'espace mythologique et puis le niveau commun de l'existence et de l'expérience des gens, des joueurs. Et il ne faut pas oublier que le jeu de rôle en soi, c'est une forme de séduction. Si tu, enfin, au sens très large, je veux dire, si tu ne plais pas à tes joueurs, si ce que tu fais ne plaît pas à tes joueurs, tu n'as vite plus de joueurs. Et à ce moment-là, tu ne fais plus du jeu de rôle, tu écris un bouquin. Les écrivains sont donc des meneurs de jeu ratés. Ouais. Qui n'ont peut-être pas le public pour faire les juste apporter autour d'eux, ça c'est sûr en tout cas. Ouais, après il y a toujours un effet justement d'émergence, y compris dans le cadre du groupe, et puis c'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment quand t'es meneur de jeu, évidemment t'as des envies de récit, là je parle vraiment en tant que meneur de jeu, mais effectivement le groupe va sans cesse les réorienter, va sans cesse prendre des décisions, et c'est aussi ce challenge-là et cette confrontation-là qui est passionnante. Heureusement qu'il y a un ping-pong entre. Si j'avais pas de joueur, j'avais pas de jeu. Mon jeu, c'est, enfin, au départ, c'était pareil. Hein. C'est comme Glorantha. Au début, c'est une campagne de Donjons et Dragons qui est devenue quelque chose, quoi. Mais exactement. Et puis évidemment, même... les choses émergent parce que tu crées un univers, tu crées trois briques et les joueurs s'en emparent. Ils te posent des questions, ça te force à apporter des réponses et ainsi de suite. Et tu construis tes murs avec les briques des joueurs. Alors c'est marrant parce que ça me rappelle ce que disait en postface ou quelque chose comme ça, Pierre Bottero, l'écrivain de La Quête des Willan et tout ça, qui disait que les personnages de ses romans, qui sont du coup pas interactifs, en tout cas pas au sens du jeu de rôle, lui échappaient et vivaient beaucoup sans lui demander son avis. Du coup, même sans avoir des personnes autour de soi, il y a des choses qui dérapent un petit peu parfois, je pense. Et à mon avis, c'est assez flagrant dans les personnages les plus emblématiques d'anima. Il y en a très clairement certains qui sont partis sur des petites bases et qui, à force de développer l'univers par l'auteur, se sont pris des ego trips perso. C'est clair, ça c'est même. Je pense qu'en tant qu'écrivain, il y a des personnages qui vont plus te plaire que d'autres. Et donc, tu vas plus t'intéresser à eux par effet miroir. En fait. C'est très drôle dans un univers aussi ancien que Glorantha, parce que si j'ose dire, il y a des concrétions, il y a des trucs qui restent des années 70, des espèces de montres bizarres à tête de citrouille, par exemple, ou bien des hommes canards. Alors qu'au final, on a un background très développé, absolument passionnant, mais on voit très bien que c'était des tentatives. Quoi. Au final... Des ajouts de fans qui sont restés par popularité et vraiment pas par éditoriaux. Je pense qu'on a réussi à explorer pas mal de choses, en tout cas sur cette première partie. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'enregistrement. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas sur cette première partie. Tout à fait. Mm-hmm. C'était très très intéressant. Ouais, moi aussi pour moi, parce que du coup, c'est pas trop ma pratique, donc je découvre énormément. Je pense qu'on se connaît pas trop les uns les autres, donc il faut un peu de temps pour s'apprivoiser, ouais, je pense. Surtout ça, pour moi, les podcasts, j'ai plus l'habitude de les écouter que d'y participer, donc du coup, je vous écoute parler, en fait. Mais je trouve ça aussi intéressant, parce que dans l'ensemble, tout le monde a des choses à dire, et je trouve qu'il y avait une chouette qualité d'écoute aussi. Mm-hmm. Oui, tout à fait, ouais. Puis c'est aussi l'idée du podcast. Enfin, moi, je ne cherche pas forcément à monter une équipe collective régulière comme peut faire la cellule, Radio Rollis ou autre. C'est avant tout, moi, je fais des podcasts solo et j'ai envie d'inviter des gens un peu pour nourrir mon avis et qui n'ont pas forcément tout à fait le même que le mien. Et donc, voilà. Et en faire profiter du monde au passage. Quoi. Non, mais la compagnie était agréable. Très bien. Donc voilà, ben, je vous remercie d'avoir participé à ce premier épisode. Merci à toi. Et je vous remercie. Ouais, merci à toi. Oui, grand plaisir. Merci. Les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'essaierai de linker à droite à gauche un peu tout ce qu'on a évoqué. Ça va mettre un petit moment, mais bon, voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite des événements où on va aller au fond du sujet et on va peut-être aborder des éléments un peu complexes des univers. Mais voilà, je suis très impatient d'y être. Quoi. Mmh. Et nous aussi. Ouais, pareil. What you're painting is well worth saving. It's so much like the things I like about you. It's so bright, it's so pretty. Please do one thing for me. Don't mix the colors, I like them that way. Don't mix the colors, just let them stay. Yeah.